Chapitre 7e. Une fois la cuisine rangée et les enfants couchés, nous nous allongeons chacun dans un transat sous les arbres. La fraîcheur est enfin venue et la température est on ne peut mieux après la chaleur de la journée. Nous sommes juste éclairés par la clarté des étoiles et le nez au ciel, nous les dénombrons. Notre cigale solitaire s'est tue pour laisser chanter quelques grillons et au loin, deux ou trois grenouilles cossent leur amour. C'est le moment bleu. Nous savourons tous les quatre un petit verre d'alcool de genièvre trouvé dans la maison avec juste un petit glaçon, le pied. Mais je suis tellement pénible et fouille merde qu'il faut que je dérange Serge. À voix basse, je l'interpelle. « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?»« De quoi ? De Paula ?»« Mais non, de ce que j'ai dit à Louis. »« Ah oui, la femme en vélo. C'est une bonne hypothèse, pourquoi pas ?»« Demain, j'ai envie d'aller à l'Espérance, voir un peu ce Marseillais qui doit y être. »« J'irai avec toi. »« Non !» J'emmènerai Gigi. Je crois qu'elle s'ennuie et elle me fait une crise de jalousie. Le lendemain donc, Sylvia ayant accepté de nous garder Lisa, nous nous pointons, Gigi et moi, devant le portail monumental de l'Espérance. Le bâtiment est en fait une ancienne usine désaffectée qui date de la fin du XIXe siècle. L'ensemble est constitué de trois corps qui enserrent une cour de belle taille. Les vallées de l'art et de l'héros sont parsemées de ces énormes bâtiments sévères, percer d'immenses verrières pour dispenser de la clarté à l'intérieur à une époque où l'électricité n'existait pas encore. Ils ont été édifiés de façon à défier l'usure du temps et les architectes de cette époque ne lésinaient pas sur les matériaux et la main-d'œuvre. L'ensemble, de même inspiration que les ponts de chemin de fer ou les viaducs, est bâti en pierre et les grandes verrières qui occupent presque toute la hauteur des murs sont bordées de pierres blanches appareillées et terminées par un bel arc au sommet. Ces longues ouvertures cintrées et l'épaisseur des murs confèrent au bâtiment un caractère romain qui inspire la noblesse et le respect. La réhabilitation était faite intelligemment. À travers les verrières, on devine les coursives de trois niveaux, là où il ne devait y en avoir qu'un, pour laisser jadis la place aux énormes roues, courroies et arbres de transmission nécessaires au fonctionnement des machines. Au vu des menuiseries métalliques, on comprend que les deux tiers du budget de restauration ont dû partir en ferronnerie et miroiterie. Les châssis peints en bleu ciel égaient un peu la sévérité de la façade. La nuit, avec les coursives éclairées, le bâtiment doit vraiment avoir fière allure. À droite, dans la cour, sous un hangar, un petit bus est garé à côté d'autres véhicules, dont une Renault 12 immatriculée dans les Bouches-du-Rhône. Quelques vélos sont appuyés le long de la façade près de l'entrée principale. Point de Cerbère, des gains dans les couloirs, et nous aurons un peu la recherche d'un quidam qui pourrait nous renseigner. Finalement, un petit homme de près de 80 ans se pointe, nous dévisageant de ses yeux bleus, dans lesquels on peut lire toute la mansuétude du monde. « Je peux vous aider ?» nous demande-t-il doucement. « Nous sommes venus voir Maud. Elle vient souvent chez nous, et nous voulions voir comment elle vivait ici. Allez tout droit au fond du couloir, à droite, vous verrez une grande salle. Les filles doivent être là en train de faire du travail manuel. » Maud doit y être. Nous suivons donc les conseils du bon samaritain et découvrons effectivement une vaste salle meublée de plusieurs grandes tables autour desquelles sont assis des groupes de trois ou quatre filles ou femmes. Maud nous a tout de suite remarqué et vient vers nous un large sourire sur les lèvres. Exceptionnellement, elle me fait la bise, c'est dire son plaisir de nous voir. Ah, c'est sympa d'être venue me voir. Elle vient juste de terminer son accueil que notre fille se précipite vers moi pendant que Gigi et Maud s'éloignent déjà. « Ah pétard, commissaire Volpi, comme je suis content de vous voir, je savais que vous étiez là. » Une jeune femme d'une trentaine d'années, grande et bien bâtie, s'est plantée devant moi tout sourire dehors. Son visage reflète la franchise et la simplicité d'âme. C'est donc elle qui a dû révéler notre identité. Elle se nomme Valérie Baume. Agent de la sûreté, elle était montée avec son équipe sur un braquage qui a méchamment foiré du côté de Saint-Joseph. Pris au piège, les malfrats se sont mis à canarder tout le secteur. Son collègue est mort à 50 cm d'elle, d'une balle en pleine tête. Quant à Valérie, elle n'a dû son salut qu'au fait que les balèzes l'ont prise en otage pour protéger leur fuite. Ils l'ont relâchée du côté de Sainte-Marthe, non sans l'avoir copieusement tabassée. Après un séjour obligatoire à l'hosto pour soigner ses blessures, elle a entamé une longue déprime et je ne m'étonne pas de la voir en établissement de repos. Mais pourquoi ici ? Il fallait que je quitte Marseille. Je ne pouvais plus voir cette ville en peinture. J'ai choisi l'Espérance parce que j'ai une cousine qui habite ici. Normalement, je sors à la fin du mois et après je vais à Toulon où j'ai demandé une mute. Mon ami a décroché un poste à l'Arsenal et je crois qu'on sera bien là-bas. Comment saviez-vous que j'étais ici? Vous m'avez vu? Un samedi matin, au marché. Je vous ai vu de loin, avec le commissaire Michaud. Mais le temps que je fasse le tour de la place, vous dérangez. Vous aviez déjà rejoint vos épouses et je n'ai pas voulu vous déranger. Vous vous souvenez des personnes qui étaient avec vous ce jour-là? Eh bien, ma cousine Sarah, bien sûr, et son mari Max. De fait, ma cousine est séparée, mais elle a quand même gardé des contacts avec son mari. Il n'y avait pas Maud. Maud était au marché. Elle y est partie juste avant moi. Je l'ai aperçue avec vous, mais elle n'était pas avec nous. Et c'est tout? Je ne me souviens pas d'autres personnes. Mais pourquoi vous me demandez ça? Comme ça, pour rien. Venez, Valérie, que je vous présente mon épouse. Après de rapides explications données à Gigi, cette dernière demande aux deux pensionnaires de nous faire visiter le centre. En déambulant dans les couloirs, je laisse Gigi et Maud prendre un peu d'avance pour pouvoir parler tranquillement à Valérie. Que fait votre cousine au Vigan? Elle est prof de gym au lycée et elle habite au-dessus du quai. Vous connaissez? Oui, oui, je sais qu'ici il y a un quai, mais ni la mer ni les bateaux. Vous connaissez bien Maud? Bien, c'est beaucoup dire, mais ça fait plus d'un mois que je vis avec elle. Depuis quelques jours, elle va mieux. Mais passé un temps, elle était violente et colérique. Une fois, je ne sais plus pourquoi, elle a voulu me casser la tête à coups de bouteille. Je te lui ai foutu un emplâtre qui l'a calmée vite fait. Mais c'est pas une méchante fille. Elle me fait penser à Jane Birkin. C'est vrai qu'elle lui ressemble. Dites, commissaire, j'ai l'impression que Maud ne vous est pas indifférente. Je me trompe? Oui, vous vous trompez, Valérie. Et attention au blâme avant de partir à Toulon. Dis-je avec un sourire. Au détour d'un couloir, nous rencontrons celui que j'appelle le bon samaritain. « Je vous présente Francis, » fait Valérie. « Et Francis est l'aumônier du centre, » dis-je. « J'ai gagné ?»« Oui, » répond Francis. « Comment l'aviez-vous deviné ?»« Je n'ai pas de croix. »« À la façon dont vous scotez l'âme des gens, » à travers le regard. « Pas seulement avec le regard, mon fils. »« La voix aussi, » en dit l'on. « Ce sont nos outils à nous, » qui n'amont ni radioscopie, ni médicaments. « Je vous laisse, mes enfants. » Ce faisant, il prend ma main dans les deux siennes, très chaude, et après un léger serrement, il s'éloigne. Ce contact a débloqué en moi une idée. « Valérie, si votre cousine est seule, pourquoi ne venez-vous pas prendre l'apéro avec elle à la maison ?» Valérie me regarde avec dans les yeux toute la reconnaissance du monde. « Bien volontiers, commissaire. Ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de sortir. Quand ? Ce soir ? Allez, si vous voulez. » Nous retrouvons Gigi et Maud, bras dessous, faisant mine d'embrasser Gilda sur l'oreille, je lui glisse. « Débrouille-toi comme tu veux, mais il ne faut pas que Maud soit là ce soir, je t'expliquerai. » Peu après, nous prenons congé des deux filles avec force embrassade. En sortant, vieux réflexe, je jette un coup d'œil sur les vélos. Ils sont tous identiques, la couleur mise à part. Je reconnais celui qu'avait Maud hier, lila avec une panthère rose en décalcomanie. Dans la bagnole, je rends compte à Gigi de ma conversation avec Valérie et de l'invitation que j'ai lancée. J'ai besoin de connaître de plus près cette cousine prof de gym. Elle correspond pile poil aux déductions auxquelles nous sommes pour l'instant parvenus. Elle est du coin et a été mise au courant de notre fonction par Valérie. Reste à connaître son caractère, ses pulsions, son emploi du temps, ses mobiles, s'il fait du vélo, s'il est gouine, enfin, tout un moulon de choses, quoi. Mais patience. Paris, ni Marseille d'ailleurs, ne sont pas faites en un jour. Comme il y a interférence entre l'hypothèse de la culpabilité de Maud et celle de la cousine de Valérie, je préfère qu'elle ne soit pas présente en même temps, au cas où elle chercherait à se couvrir mutuellement. En tout cas, il est presque certain qu'ils se connaissent. À midi, pendant leur repas, je mets Serge et Sylvia au courant de nos découvertes. Ah oui, je me souviens de la petite bombe. Elle a seulement morflé. Alors comme ça, c'est elle qui est là? Tu ne la soupçonnes pas, j'espère. Mais non, Fada, c'est sa cousine qui m'intéresse. Elle correspond aux critères que nous avons déduits. C'est pourquoi nous l'avons invitée ce soir avec Valérie. Je compte sur toi aussi pour essayer d'en tirer le maximum. Vous savez qu'il est possible que Louis soit là aussi, des fois qu'il veuille bien nous ramener ma mère. Eh bien, tu vois, je préférais qu'il ne soit pas là. La cousine sera peut-être plus à l'aise. S'il vient, je lui dirai de jouer les fantômes et de s'esbigner à l'anglaise. « Dis, Gino, et le mari de la cousine, qu'est-ce que tu en fais? Lui aussi, il savait pour nous. »« J'y ai pensé, mais chaque chose en son temps. Ne montons pas plusieurs bourricots à la fois. Pour l'instant, le mari de la cousine ne cadre pas avec le survêtement bleu pâle. »